Sur RGM, Vivre et créer à la montagne vous emmène à la scène ouverte de mars, du lundi 4 mars, une belle scène ouverte à Épinal, où on a eu au tiers-lieu ailleurs un public important de 70 personnes, comme toujours, pour un lundi, c'était bien, autant que quand c'est le vendredi, le jeudi, etc. Voilà, donc un lundi marqué par de nombreux artistes, et des artistes aussi poétiques et musicaux. Alors je vous les présente brièvement. La séance a commencé par un concert d'un nouveau groupe, dont c'était le premier concert, les Bagars, qui, vous allez voir pourquoi ils s'appellent comme ça, Bagars, quatre jeunes filles remarquables qui chantent, qui se lancent là-dedans. Leur prochain concert sera ensuite à la Souris Verte. Bref, on les entendra un peu partout, elles créent leurs chansons. Et parmi elles, je connais notamment Yola, qui est une de nos animatrices bien-aimées de RGM. Par ailleurs, dans ses reportages sur la vie locale, sur les aspects inconnus de cette vie locale qu'elle se plaît à narrer. Voilà, alors donc il y aura ceci. Ensuite, après une demi-heure de concert, donc ce sera Léa qui présentera aussi la soirée, qui avait donc préparé aussi la salle de façon martienne, martienne MARSIENE, martienne, oui, à cause de Mars, aux couleurs rouges, avec un dragon, etc. Elle expliquera ça, on ne le voit pas à la radio, mais il faut savoir. Elle a donné la tonalité de la soirée, qu'elle a ensuite présentée avec Florian, qui était son alter ego. Voilà. Toute la soirée, donc, on a eu une trentaine de poètes, chanteurs, chanteuses, qui se sont succédés. Alors, il y aura deux parties. Alors, la première partie commence, je vous dis, l'énumération des poètes. Nico, en premier lieu. Jean-Claude Lourgir, qui arrive ensuite. Qui est un chanteur qu'on connaît bien aussi. Equinox, Maud, dont c'était la première scène ouverte. Ashley, ensuite, avec sa petite guitare, vous entendrez ça. Ensuite, Aurélie, qu'on entendra plusieurs fois aussi cette soirée. Antoine et ses bonnes histoires. Amina, la rappeuse. Florian, dont j'ai parlé. Moi-même, sur la lune. Leïla, la chanteuse d'Ultraviolet, et là elle chante pas, elle dit des poèmes, dit des textes. Léa dont je parlais, Johan et Nathalie qui avait une perruque verte de martienne, voilà, pour donner le ton. Ensuite, la deuxième partie commence avec Félicie, qu'on n'avait encore pas entendu. À nouveau, ce sera Antoine, ce sera également moi-même, dans une lecture de Marie-Pascal, un texte, L'oiseau de Vénus, un texte qui a frappé, effectivement, qui est aussi poétique et actuel. Ensuite, Jean-Claude Vourgy, à nouveau, une très belle chanson. Pivoine, qu'on n'avait pas entendu dans la première partie. Amina, à nouveau, toujours tranchante et douce dans ses textes. Aurélie, dans un texte sur Frida Kahlo. Ouais. Florian, dans une improvisation remarquable aussi, avec guimbarde et instrument, une sorte d'instrument inventé là-bas, qui était là-bas à Troisième Rive, avec une espèce de bidon et puis une corde, ça fait instrument à corde et à percussion, si je peux dire, enfin avec caisse sonore. Léa, à nouveau, bien sûr, et sa voix percutante, ça, toujours. Et puis, je dirais du bien de tout le monde, parce que tout le monde le mérite, et c'est tout le monde, c'était vraiment très, très, très tenu comme atmosphère. Ensuite, Ashley, à nouveau, puis Hélène, qu'on n'avait pas entendu, du groupe Obsession, avec un H, à connaître aussi, voilà. Nathalie, à nouveau. Et puis, en dernier, Sarah, qu'on n'avait pas entendue, qui est arrivée donc pour clôturer avec sa voix et sa musique, son chant, clôturer cette scène. Cette scène ouverte du 4 mars. Bon, après, on vous fera entendre un plus qui s'est produit. Aurélie, dont j'ai parlé plusieurs fois, donc, nous a fait faire un chant indie, a réuni tout le monde, ceux qui restaient en cercle, à une heure assez tardive, mais on a fait une espèce de murmure, de chant, vous allez voir, c'est assez envoûtant, avec des vocalises, voilà. Et ensuite, eh bien, ça s'est terminé dans la joie et la fraternité. Voilà donc cette scène ouverte du 4 mars que je vais vous offrir et que je vais écouter avec vous. À tout à l'heure. Donc voilà, elles nous font boxer les bagarres. Voilà. Donc ça va swinguer, on verra, ça va être une grande surprise. Il faudra les encourager bien fort pour cet honneur-là, faire leur première ici. On est très très contents qu'elles soient là. Je pense qu'on va pas tarder à commencer. Ouais, je vous prie d'applaudir Lucas qui vient d'arriver, qui était l'auteur de nos premières affiches de scène ouverte. Qui nous a bien aidé à nos démarrages, merci beaucoup, merci Lucas. Donc c'est la scène ouverte martienne, puisque nous sommes au mois de mars. Alors c'est pour ça qu'il y a beaucoup de couleurs rouges, orangées, tout ça. On essaye d'être dans le thème. C'est presque le printemps, qui est un peu en avance. Et ouais, petit appel. Pour les personnes qui ne connaissent pas le principe des soirées scène ouverte, donc Flo a dans sa main le chapeau, voilà, il y a le chapeau et les petits papiers ou soutines. Voilà, laissez-les peut-être, ouais, bah, Andréa, laisse-en sur la petite table. Donc la table où il y a le cœur, parce que c'est une soirée martienne de l'amour. On n'a pas fait la Saint-Valentin, enfin, il y a des petits bouts de papier et des stylos. Vous écrivez votre petit nom si vous voulez nous partager un texte, une poésie, un slam, une chanson, une histoire drôle, une histoire moins drôle que vous avez besoin de partager. On a eu des moments de partage très très beaux, intimes et chaleureux qui sont ici. Et voilà, vous mettez votre petit nom sur un papier, le papier dans le chapeau. Et nous allons tirer au fur et à mesure, au hasard. Donc l'ordre de passage sera au hasard. Il y a des clés. Ne pas oublier que le passage, c'est bien d'essayer quand même d'être pas au-delà de 3 minutes. Parce que s'il y a du monde qui veut passer, voilà, tout le monde puisse avoir le temps de passer. Donc des passages d'environ 3 minutes max. Après, pareil, des fois il y a des gens qui disent « mais moi j'ai un tout petit truc, c'est pas gênant ». Voilà, même si votre texte il fait 15 secondes, des fois c'est très très beau aussi d'avoir de belles petites choses condensées. Voilà. Donc n'hésitez pas. Nous ferons à un moment donné une petite pause pour que les déclameurs puissent retourner se désaltérer. Et également pour laisser le temps aux personnes qui souhaitent redire un texte, donc il y aura une petite pause. Et si en deuxième partie, les gens veulent partager un deuxième texte, si les gens qui n'ont rien dit en première partie se sont trouvés inspirés, ont trouvé le courage dans le courage des autres, et veulent, pour la deuxième partie, dire un texte, c'est sans problème. Voilà. Donc on laisse encore 2-3 minutes pour que les filles s'installent. Et puis pour que vous puissiez mettre vos noms sur les papiers, dans le chapeau, tout ça. Voilà. Et encore une fois, merci d'être venu, bienvenue. Et j'espère que vous passerez tous une très bonne soirée. Voilà. Bonsoir. Donc on est Bagars, c'est le nom de notre groupe. On vient toutes les quatre à Épinal. On a commencé, on a formé le groupe en septembre, et donc là c'est notre premier concert. Donc c'est notre premier concert, et on va aussi jouer à la Souris Verte le 11 avril, si vous voulez venir, pour la fête de l'ESAL, l'école des Beaux-Arts. Voilà. On est très contente d'être là, et merci d'être venu pour la scène ouverte, mais aussi pour voilà, notre premier concert, donc c'est cool. On va commencer par un morceau qui s'appelle Alice. Ah non, elle, pardon. C'est notre premier concert, ok. Du coup, le premier morceau s'appelle Elle. Voilà. Donc, Et juste, on aura potentiellement le texte à la main parce qu'on ne connaît pas encore toutes les paroles. J'ai trouvé un secret dans la cheminée, un bout de papier calciné. Sauter dans les flaques. C'est un morceau qu'on a écrit à 4, comme le prochain morceau qui du coup... Non, pardon, pas encore le prochain morceau. Ok. Donc celui-là, on écrit, en fait, on essaie de faire un peu des cadavres exquis et on écrit les paroles comme ça et après on improvise un peu et c'est comme ça qu'on écrit nos morceaux. Et le prochain morceau est parti de l'improvisation également et il s'appelle Lucy. Oh. Yola, Lola, Une autre. La cinquième, là. Oui. Je sais pas pourquoi il est là, arrêtez de marcher. Il a achevé quoi. Waouh. Merci beaucoup les filles, c'était incroyable. On dirait des professionnels qui sont à leur 100e concert. Ouais. Merci beaucoup les filles, on va encore les applaudir. Le 11 avril. Donc elle joue le 11 avril à la Souris Verte. Voilà. À quelle heure? À quelle heure? Comment? Radio Game. Ah, trop bien. On est toute la journée à la Souris Verte et un moment. Rendez-vous 11h. Merci. Merci. Super. Bon, on va poursuivre. Merci encore, c'était incroyable. Alors, comme lancement. Ceux qui n'ont pas encore mis leur petit nom dans le chapeau, il y a toujours des petits papiers, le stylo là-bas à côté de Vincent, monsieur le président, qu'on ne présente plus à certains, qu'on présente à d'autres. Donc, monsieur Vincent de Combis, président de l'Union des écrivains vosgiens. Grâce un peu à qui tout cela a été possible. C'est vous. C'est grâce à vous. Et on va commencer donc les déclamations avec... vous pouvez féliciter le groupe hein, avec grand plaisir. Ouais, bravo. Bravo. Des bagarres. Pas si garce que ça. Pas si garce que ça. Yo là là. Je voudrais juste à tous leurs comparses qu'ils les saluent. Allô, allô, Hélène, Andrea, Vincent. Oui. Ah oui, voilà. Nous allons commencer les déclamations. Donc si vous voulez les féliciter, les filles du groupe, merci de le faire en chuchotant, afin de laisser la place à la voix des personnes qui vont maintenant passer devant vous pour nous partager leur texte. J'espère que les admirateurs des bagarres vont rester un peu avec nous pour écouter la suite. Ah oui, super. Et donc le premier, parce que c'est un premier, il me semble, hein, à passer, c'est Nick. Qui est Nick? Ah, ben voilà. Applaudissez bien fort pour encourager Nicolas. Qui est un de nos habitués des scènes ouvertes et qui nous fait toujours l'honneur de partager sa petite poésie. Voilà, merci. À toi Nicolas. Oui alors, je ne vais pas chanter, hein. C'est très bien, ceux qui sont chantés. Non, je n'ai pas besoin, je vais un petit peu circuler. T'as de la lumière ou pas? Il va jusqu'où le micro? Il va jusque là-bas? Pour Radio Guébozo, pourquoi les bagarres? Mais on était à un bar, on avait bu trop de bière. On se disait qu'on voulait s'appeler Bagarre et ça existait déjà. Donc... Ah, Bagarre, oui. Ouais. Et du coup, comme on était au bar et qu'on avait un petit coup dans le nez, on s'est dit que ça serait sympa de faire un jeu de mots avec Garce et voilà Bagarre. Ah oui. que des femmes fortes qui jouent de la musique, ce qui est quand même assez rare sur scène. Voilà. Oui, mais moi je te connaissais, toi, Yola. Tu chantes aussi par ailleurs, en espagnol d'ailleurs. Oui, ce qui n'a rien à voir finalement avec le style. Mais c'est une bonne idée. Hein. Bon, mais voilà, ouais, c'était sympa. Donc, vos prochaines. À part sur Radio Guémozo, effectivement. On joue au Zénith de Paris, bien évidemment. Voilà, à Bercy, tout ça. Hein, quand donc. La prochaine fois, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais... Le 11 avril, à la Souris Verte. Ah oui, la Souris, d'accord. Ouais, non. On saura. Avec 4, 5, 6, 7 titres d'ici là. On ne sait pas encore, mais potentiellement, oui, ça sera quelque chose comme ça. C'est la première partie de Jean-Claude Vorgy. Vous connaissiez Jean-Claude Vorgy? Oui, je l'ai déjà écouté plusieurs fois. Voilà. Bon, ben, bon vent. Bonne chance, et à tout à l'heure. Bagarre, c'est trop bien, écoutez. Oui, oui. On sera en première partie de Gekodot le 11 avril. Gekodot, ah, ouais. Version voilà. Witchy. Oui, je sais même pas. Gekodot, c'est qui, Gekodot? Oh, il fait du DJing, je crois. J'ai envie de dire des bêtises. Je ne sais plus. Bravo. Mais oui, les voix sont vachement importantes. Et, et ben, du fait des micros, on n'entendait pas. Non, oui, alors Léa, pour Radio Guémozo, tu avais fait une décoration que tu n'as pas présentée et qu'on va présenter à nos auditeurs pour ce mois de mars. Oui, alors effectivement, comme pour ce mois de mars, donc nous avions fait une scène ouverte martienne, martienne avec un S, hein, pas un T, puisque voilà. Et donc j'ai fait, c'est vrai que donc on n'a pas le visuel, donc je vais vous l'expliquer. On a beaucoup été sur les tonalités de rouge et d'orange pour rappeler un peu et la planète et le dieu Mars, donc dieu romain qui correspond chez les Grecs à Arès, qui sont donc des dieux de la guerre, des dieux rouges, d'où le fait qu'on a nommé cette planète ainsi, voilà, parce qu'elle a une couleur qui y correspond. Et donc, on est resté beaucoup sur des tonalités d'orange, rouge, voilà, ce dragon de feu, là. Et d'autant plus parce que nous sommes dans l'année astrale, par rapport à l'astrologie chinoise, dans l'année astrale du dragon, qui est donc tous les 12 ans. Hein, dans l'astrologie chinoise, c'est tous les 12 ans. Et donc là, on est dans la période du dragon... Ah, du dragon de bois, ce n'est pas le dragon, pardon, du dragon de bois. Mais nous avons quand même un dragon rouge qui est donc accroché là au plafond, donc symbole de cette année chinoise et de ce mois de mars qui commence avec cette couleur rouge. Voilà, et j'ai trouvé que l'ambiance de la soirée correspondait bien, tout en douceur, mais en même temps plein d'énergie. Oui. Donc voilà. Voilà, bienvenue sur la planète la planète poésie, la planète poésie pleine d'énergie martienne et lumineuse. Et en tout cas tu es presque en rouge, toi. Oui, orange et jaune. J'avais pas de robe rouge, donc j'ai mis du orange et du jaune pour rester quand même dans la dynamique de feu. On y était, hein, dans le feu. En fait, j'ai choisi un mot, c'est jardin. Donc, il va être écrit plusieurs fois, le jardin, les jardins. Alors, comment peut-on s'imaginer un jardin? Il existe plusieurs formes de jardins, des petits, des gros, des grands. Des jardins superbes, avec de magnifiques fleurs qui s'épanouissent, et d'autres... Ah oui. D'autres... Je recommence ou pas? Non. Oui. Vous avez entendu alors? Je recommence. Oui. Je recommence. Bon, je repars pas de là-bas. Hein. C'est le sketch. Alors, comment peut-on imaginer un jardin dans lequel tu chuchotes, voilà. Il existe plusieurs formes de jardins, des petits, des grands. Des jardins superbes avec de magnifiques fleurs qui s'épanouissent et d'autres. Délaissé, plein de ronces. Oui, des ronces ou des détritus. Micro. Se cachent dans les herbes folles. Il faut qu'ils soient entretenus et laissés part à la rêverie ou à la folie des grandeurs pour certains. Il existe des jardins sauvages et des jardins léchés. Et des, je dis léchés car tout est en harmonie et tout est... Trop de suspense. Tout est calculé, excusez-moi. Pour lire, c'est pas évident. Un jardin d'artiste, en quelque sorte. Un jardin de jardinier. Le jardin peut devenir potager, c'est l'âme du jardinier, de l'entretenir. C'est aussi une corvée pour arroser, frémir à la moindre intempérie, se mettre à genoux ou se baisser pour récolter et surtout être en bonne santé. La récompense, c'est la tâche qui nous a été soit accompli, merci. Chaque jardin a son caractère et s'exprime dans la disposition de ses espaces et du choix et du florissement des plantes et des arbres. Et c'est un plaisir d'observer les saisons qui défilent dans son jardin. Merci Nicolas. Ben de rien. Bon, ben ça va, vous pouvez vous déplacer, c'est bien. Là. Merci. Tu as été le cobaye. Tu as été le poète témoin. C'est voilà, difficile merci. Avec le texte, il faudrait avoir un truc qu'on porte sur soi. Et puis... Ah, tu veux dire un micro-cravate avec, le ballon, là. Ah, et ben nous investirons peut-être dessus, dans un micro-cravate. Ouais, pour ceci, n'hésitez pas à mettre des petits deniers dans la boîte à dons. Ouais. Comme ça, on investira dans un micro-cravate. Un micro-cravate qui s'accroche, comme sur une cravate. Ouais. Monsieur Borgi, si vous voulez bien nous faire l'honneur. Applaudissons bien fort et bienvenue avec la guitare. Entendez-vous ce bruit qui gronde sous le ciel voilé? Entendez-vous ces cris qui disent l'amour envolé? Le fracas des dégâts sous les amis de l'ambulance, les râles du climat dans l'ambulance. Les ordres sont donnés pour que l'on pense à l'unisson. Ne pas s'abandonner, la vie n'est pas une chanson. Il faut apprivoiser et la douleur et le vacarme. S'habituer au bruit des armes. Mais moi, je veux encore voir à l'hiver cette poésie. Vivre avec l'espoir de la création infinie. Retrouver cet enfant qui rit et s'émerveille quand le monde avale le soleil. La terre désolée se voit contrainte à la chimie. De tout, peu importe les blés, c'est beaucoup pour l'économie. Ces poisons qu'on refuse ne seraient pas nécessaires. Et puis la vie ne s'use que si on cancelle. Poissons à blême, la bien digérée, le plastique. Sans sucre, on efface les formes, la faune et la flore. Afin que prennent place les coffres forts. Mais le chant des baleines et le balai des étourneaux. Les musiques indigènes et la fièvre de leur tempo. Comme autant de bonheur qui a compris que les belles valeurs n'ont pas de prix, pas de prix. Entendez-vous ce bruit qui gronde sous le ciel voilé? Entendez-vous ces cris qui disent l'amour envolé? Et vous pouvez aller discuter avec ce très bon musicien qui est musicien professionnel et qui peut venir chez vous faire des concerts de maison, c'est ça? J'ai vu récemment des concerts à domicile pour vous et vos amis, pour un petit concert en toute intimité, tout ça. Et puis on retrouve ces chansons sur mon CD. Et là aussi un CD, effectivement, sur lequel on peut retrouver toutes ces chansons. Voilà, donc merci encore. Et nous allons continuer d'applaudir pour accueillir, je ne sais pas qui c'est, mais c'est un nom très beau, c'est un petit nom. Si c'est le vrai nom de la personne, c'est très beau. Si c'est son surnom, c'est très beau aussi. C'est Equinox. Qui est Equinox? Ouais, Equinox. C'est son vrai nom. C'est son vrai nom, ouais. J'ai été obligé de réécrire parce que c'était écrit trop petit, alors, et puis j'ai pas eu le temps de frapper. Tant mieux, on ne frappe pas. Ça va être très court. C'est regard sur le château. Le seigneur du château a besoin du seigneur pour punir. Dans un monde monarchique de l'impôt, qui est issu, qui est une imposture, et c'est pourquoi l'imposteur doit se maîtriser pour rester maître, pour faire passer le message du sens des mots. Bon Dieu, nom de Dieu, avec l'objectif dominateur pour domestiquer l'escroquerie du moment et de l'instant. Le chat regarde en châtiment la corde. À vous de réfléchir. Merci Equinox pour ce texte à énigme. J'avoue qu'effectivement, j'ai pas compris la chute, mais ça viendra tout après. Merci. On en parlera. On peut tous venir en parler autour d'un verre avec Equinox. Et la suivante, où est-elle? Je ne la vois pas. Elle est où? Elle est fondue. Ah, ça y est, je l'ai trouvée. Es-tu prête? Tu es prête? Non, tu n'es pas prête? Tu peux être prête dans une seconde ou... Ouais, super. Eh bien, on applaudit bien fort le temps qu'elle nous rejoigne sur scène. Maud, s'il vous plaît, on applaudit bien fort Maud. Bonsoir tout le monde. Modernité est mon surnom. Aube est le jour qui se lève, utile n'est pas si bon. Dure réalité est la vie qui crève. Montre ta réalité, arbore ta vérité, use de tes facilités, danse avec ta futilité. Ouais, on applaudit bien pour vous. Super. Et après, c'est... Je ne sais point qui c'est, mystère. H, HD, H... C'est moi. H, ah, Ashley, on applaudit bien fort Ashley, tant qu'elle arrive, t'as besoin de te préparer. Oh, I know how hard to get up when you've fallen. Road's a little bit rough, and it's you all alone. Walked a long, long way and it ain't new. Here I sit face to face with the devil new. It looks a lot like someone I've spoken to. We were broken together, it's true. Oh, I know how hard to get up when you've fallen. The road's a little bit rough, and it's you all alone. Oh, I know how hard to get up when you've fallen. The road's a little bit rough, and it's you all alone. Oh, I know how hard to get up when you've fallen. The road's a little bit rough, and it's you all alone. Au plaisir, une deuxième tout à l'heure. On enchaîne les musiciennes. No stress. Que de femmes ce soir, enfin, nous avons deux hommes, mais que de femmes, et c'est très très bien, j'en suis ravie, puisque, et ça rime, j'en suis ravie, puisque c'est au tour de Aurélie. Aurélie, wouhou! Et bien ce soir, c'est la première fois que je vais faire un petit slam. Je me lance. Un petit slam tout neuf écrit jeudi soir. Tu pars d'où ton parfum reste. Pourtant, j'étais sûre quand j'ai fait le choix de ne pas te choisir. T'as ralenti pour me faire courir, et là, déchaussée de la vie, j'ai pensé chausser le bonheur. 6 mois après, c'est fait, pieds nus dans mes larmes, me voilà face à moi. Ma face pile dans l'inverse de la pièce où tu brillais. Le dos tourné, la vie en face. Moins bonne place au placard du bonheur, j'offre mon amour sur scène, loin de tes traces. L'amour se dessine là où tout s'efface. Merci beaucoup. Moi, merci beaucoup. Antoine, c'est à toi. Antoine. Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Oui. Trop cool. Eh ben, ça y est, je suis adulte. Je suis adulte. C'est simple, je le sais parce que quand j'allume ma radio, c'est France Inter qui se lance directement. Et puis, je me pose aussi des questions d'adulte du type « Est-ce que je suis prêt pour avoir un enfant ?» Et souvent, la réponse, c'est non, parce que vu comment je me comporte avec mes chats... Le stress, le stress. C'est simple, dès qu'ils quittent un peu trop la pièce où je suis, je commence à les appeler partout. Hey, « Vous êtes où? Vous êtes où ?» Mais si je fais ça avec un enfant, mais ça va être horrible. C'est-à-dire que dès qu'il va s'éloigner un peu trop, je ne saurais pas où il est. Donc moi, je pense que dès qu'il sera marché, j'achète un téléphone. Parce que s'il s'éloigne un peu trop, je veux qu'il soit joignable. Hein. Et puis s'il n'est pas joignable, il aura le droit au harnais. Oui, je ne suis pas un monstre, j'achète un harnais. Pas une laisse, parce que ça laisse des traces au cou, ça tire. Donc le harnais, c'est très très bien. Et puis, après, moi, je me rassure. Je me dis que, voilà, il n'aura pas de mal à se faire des copains-copines, parce que, voilà, il sera pas timide et tout, il saura aller au contact des gens. Puis je me dis que bon, s'il a du mal à s'en faire, il pourra toujours m'en parler puisque je serai son voisin de classe. Moi, je veux pas le lâcher, je veux qu'il reste à côté de moi. Je pense que je suis un peu un papa poule. Je pense que je suis dans le top 5 des papa poules et je suis loin d'être 5e. Pardon, petite roue. Quelqu'un peut souffler s'il vous plaît parce que. Ouais, merci pour les souffles. Ah oui, j'ai tellement hâte qu'il prononce ses premiers mots. D'ailleurs, je me rassure, je lis des études, et j'ai vu dans plusieurs études que les enfants, avant 1 an, ils peuvent dire des mots de 2 syllabes, du style « papa » ou « gâteau » ou « papa gâteau ». Mais je pense que le plus important de sa bouche, c'est « papa ». Ouais. Non. Je suis pas papoule, mais je suis pas Michel Fourniret non plus, ça va, on se calme un peu. Oh. Merci. C'est Michel Fourniret, il m'a déconcentré là. En plus, il y a la musique normale. Il déconcentre tout le monde. Ouais. Il arrive dans le dos, on sait pas ce qui se passe. Oula, ça arrive. Ah oui, c'est ça. Il m'a réveillé, ça y est. Il est entré en moi, j'ai vu la lumière. Il est sorti. Je sais que c'est pas grave, mais je suis désolé, j'ai plusieurs mois en moi, donc. Peut-être un petit souffle là, un petit courant d'air, s'il vous plaît. Ça y est. Je pense que je vais être à ses côtés tout le temps, c'est-à-dire que je pense que quand il se dira papa, je vais essayer de deviner ce qu'il veut, c'est-à-dire que je serai là, mais tu veux quoi? Tu veux la télé? Tu veux un jouet? Tu veux ta totos? Ah non, tu t'es chié dessus. Ok, pas de souci. Je vais chercher les gants, je change ça. Ouais, moi j'ai aucune honte. Enfin, j'ai pas peur, moi, de changer les couches de mon futur enfant parce que, en fait, il y a un de mes chats, je vais l'avouer, il fait caca par terre. Voilà, c'est comme ça, il fait caca par terre. Et au début, moi ça m'énervait. Je pensais que j'étais là. Et puis maintenant, bon, c'est l'habitude, donc je hausse les épaules. Puis de toute façon, peu importe la consistance, la couleur, etc. Je m'en occupe que quand c'est sec, donc je ferai pas avec mon enfant. Donc ouais, je pense que ouais, les enfants, c'est pas pour tout de suite. Puis en plus, je suis en train de tester... Faut pas s'en occuper que quand c'est 7. Bah, je sais, c'est... ouais, je pense que ouais, les enfants, c'est pas pour tout de suite. Ouais. Parce que je suis en train de tester mon éducation sur les enfants, enfin sur mes chats. Et puis vu qu'ils sont pas encore réceptifs à France Inter, je me dis que je vais attendre un petit peu avant d'avoir un enfant. Merci à tous. Bah, je laisse ma place suivant. Bon alors, on n'a pas vraiment réussi à... Merci déjà, Antoine. À régler le problème de la correspondance sono. Du coup, voilà, Mina, si... Passer avec l'ordinateur, ça te va ? Ou est-ce qu'on peut faire un test avec le... J'ai passé tant de temps à comprendre les gens, encore essayer de me comprendre moi-même. Et partout chez les gens, j'y ai vu de la haine. Je pense sans cesse prendre de la cesse, un peu trop de verre, je me casse la tête, je suis pas parfaite dans mon mal-être. On en connaît des plus malhonnêtes, Lily, Lily, visez la vie, visait-il. Il a réussi, Lily, Lily, libre de crier. Il a bâti des champs, nouveaux horizons incessants. Marcher au front sans l'écho de ces gens qui lui diront incessant. Lily, Lily, visait-il. Lily, Lily, visait-il. Lily, Lily. Lui qui a tant cherché à combler ce vide. Lily, Lily, vise le droit d'être libre. Libre d'être un il a réussi. Plus qu'un moment, un long moment, en cet instant, je serai plus présent. Et c'est un ensemble, pour une fois différent, comme un courant, porté par le vent, comme un chant d'une amant. Lily, Lily, visait-il. Lily, Lily, visait-il. Lily, Lily, Lily, Lily, visait-il. Lily, Lily, visait-il. Lily. Ouais, c'était trop bien. Ben, nous allons passer à la suite. As-tu tiré un nom très cher qui va être le... La prochaine. Ah. Oui, c'est toi. Florian, mesdames et messieurs. Bonsoir. Alors, c'est une ode que j'ai écrite cette semaine à quelque chose, mais je ne précise pas tout de suite quoi. Voilà. Depuis tout petit, tu me fascines. Et comme à moi, tu illuminais les pensées des autres enfants. J'adorais te rendre visite, et quand tu n'étais pas là, je t'imaginais et ça m'emplissait de joie. Je me projetais dans la couleur étincelante qui reflétait les rayons du soleil sur ton contour, sur tes formes si parfaites, mais ta véritable beauté était intérieure. J'aimais passer du temps avec toi, que ce fût seul ou avec mes copains. Aujourd'hui, j'aimerais bien encore, mais je manque de temps. Où je me dis que tu n'es plus pour moi, que je suis trop vieux. Tu as toujours su être là, au bon moment, quand j'avais envie de m'éloigner de la cohue de la vie, de la rigidité de l'école, des restrictions des parents. Parfois, je t'ignorais pendant longtemps et te laissais pourrir comme du bois pourri. Mais quand je revenais, tu retrouvais peu à peu ta vigueur d'antan et tu m'acceptais comme j'étais, sans rancune, sans jugement, avec ma colère, mes balafres et mes jouets. Tu aimais me surprendre et changer des fois d'apparence. Mais au fond, tu restais pareil. Au loin, je t'entendais chanter. Ou c'était les oiseaux avec qui tu appréciais passer du temps. Je crois que ton odeur naturelle les attirait. Un subtil mélange entre l'ébène et ma cave. À faire tomber une amadriade par terre. Ta squelettule a tantôt été forte, tantôt finasse, selon la matière trouvée autour. Comment je te préférais, imparfaitement planqué, au milieu de ce qui formait ta couverture, entre les semblables de ce qui forme ton corps. Ton côté éphémère me faisait palpiter, vivante, morte, morte pleine de vie. Tu me manques, mais pourquoi parle-je de toi au passé ? Tu es atemporel. Tant qu'il y a la vie dehors, tu continueras d'exister. Tant que les enfants continueront d'aller jouer dehors pour te faire exister. Tant que les colonies de vacances et les camps de scouts de te prôner. Tant que des ficelles et des lianes de te nouer. Peu importe ta forme, tu traverseras les âges et continueras de sublimer. Que tu sois improvisé, voûté, perché, en carton, en grillage, suspendu, en tipi ou en hutte, nu ou feuillu. Ton C donnera la chair de poule aux monstres de la forêt. Ton A donnera de l'amour aux êtres vivants alentour. Ton B enlèvera tout bruit dérangeant à l'intérieur. Ton A second sera artisanal et artistique. Ton N sera nu comme Adam et Ève. Ton E sera l'énergie de la terre qui jaillira à travers la sève de tes semblables. Oh, je te voudrais toujours pas loin de moi, dans le calme ou la cohue. Voudras-tu que je te construise à nouveau ? J'en profite pour dire merci à mes parents qui sont venus là pour la première fois de Moselle. Merci Florian pour ce partage de tes souvenirs d'enfance et tu vas recommencer bientôt à en faire, je suis certaine. Tu verras. Tu m'inviteras à boire un thé dedans ? Oui. Ouais. Café clutch. Café clutch. Ah, c'est la cabane du pêcheur. Comment il chantait l'autre. Et nous allons accueillir. Ah, voilà. Monsieur le Président, si vous voulez bien. Arrêtez avec les présidents, il y a toujours les présidents. Mais voilà. Alors la présidente. Et si on pourrait supprimer les autres et savoir toi, bon, ce sera un peu le bordel, mais. Je vais pas shooter dans les instruments. Voilà. Ah, c'est bon. Donc la présidente, c'est la lune. C'était la pleine lune il y a quelques jours, mais c'est encore la. Bon, c'est pour ça que j'ai eu un texte à la lune en marchant sous la pleine lune. Et c'était encore février, mais on n'en est pas loin, l'hiver n'est pas loin. Et le printemps aussi. Marche à la lune, pensante de froid, le pouls du monde est pris au rythme des pas accélérés, acérés. Chante, février, le cri des eaux, encore glace, neige là-haut. Il tombe des anges clairs sur les lancers du blanc, car réverbéré l'art des soleils reflétés, chaleur des os, chaleur des jambes, le cœur au cœur de l'univers s'étend. Ça va l'arbre ? Les arbres ? Disent les ombres morts que croise ton chemin si près des axes du ciel. J'implore le réel pour qu'il devienne rêve et lumière dansant aux maisons illusoires du céleste char qui roule, roule, roule sur les galas, galop, galaxies, excité. T comme Théos et Ieux comme enthousiasme. T comme Théos et Hanté, Chronos, nous disloque les os pour en faire baguette de tambour, de l'extase. Allez les verts, allez les verts, allez les verts, vert, vert, vert. Ben, vas-y, ben vas-y, et tu verras, dit la lune, nous dit la lune qui rigole à plein torrent, mais magne, éthique, éthique, éthique, collégramme, et boule, boule, ratatam, rire. La lune dit la route blanche ou noire, à limite du vide, la peur de l'absolu, l'attrait de l'absolu, sont dans ta tête feu, où crépitent les mots fustigés d'ondes vives. Les formes en dansant disent un monde qui va et vient et trépasse et bascule de remous, trépidant figure que pleurent les instances du beau reconcoctées à la barre des cimes. Au-delà de montagnes, là où les vallées creusent, murmurent le destin, siècle. Et se meut l'opéra des orgues ascendantes qui brissent des ailleurs ultimes chuchoter ce que le chant majeur pointe à l'auréole c'est la jonction des mains de l'invisible qui n'a de cesse caresse que ce qui nous frémit. Les brisantes, brillantes blessures, brisures se présentent derrière le criant sidéral des axes insensés. Il se veut des extrêmes de vie, de psalmodiques, cantiques, déclamés en paroles mouvantes. Je veux boire ici, voir l'eau de la chute neuve qui, verticale, naît, remonte aux sources cieux. Il t'enroule, Sélène, les fils de la suprême âme immensité pour qui brûle et aime la volcanique pluie des abîmes cosmiques. Il est 20 soleils, 1000 soleils répercutés à la forge des dieux, les astres incessants. Déchire-nous, ô lune, des espaces, danse-nous des ardents flambeaux de nos fêlures, et au flux de tes flèches, fais de nous un de tes rayons, un instant, un extra, un zeste fulgurant. Nuit de lune, hisse, ô hisse, nous arrive d'éternité, et nous happe, fut-il, à sa source d'île. Au clair de la lune, Sélène, au grand flot, donne-nous tes plumes pour dire deux mots que la mort n'aura, peut-être, enfin, peut-être pas. Hâte-nous, attends-nous, Sélène, ta face inconnue, noire, la matrice des vents qui vous vole des sorcières qui parcourent le ciel en roue et nous et jouent 100% dans le sang, les accents éclatants de leur sauvage en temps qui explosent délire de scintille aimant, rire. Incessant notre sang qui s'ébroue et crissant autour de toi, fusée de mythiques pensées. Ah, intranquille dame des nuits au bout d'inaccessibles, émis. Vertige, clame, trame de sidéraux, aimant, amant, nous âmes, te rêve, héron, mirage, Diane, la chasseresse est ton arc de ravage qui percute le creux de nos corps éblouis. Arrache-nous la dame à la lourde pesante pesanteur et fais-nous flécher, libérer les cochers dans l'iris, les clochers dans l'iris de ton voile Isis qui déchire et renoue et recoue ton cerveau en sursaut et pour en faire des bûchers effarants, juste un peu. Feu follet, feu vivant et ronde enchaînant les destins dérivants. Avide, évident, vide, plein du néant, transformé dans lumière au fil de la matière que l'infinie prière crée. Bravo Vincent, génial. Un sketch comme d'habitude. Ah, c'est la lune, c'est la lune. Je crois qu'on est à 3 minutes en moyenne. C'est la lune. Félicitations. Eh bien, il ne reste plus que quelques petits noms dans ce chapeau. Et donc, qui va être l'heureuse future élue? Ça faisait quelque temps qu'on ne l'avait plus vue. Leïla. Ah, elle est partie. Je pense qu'elle elle est en pause. Elle doit être dehors en train de s'y mettre. Cigarette. Ouais. Un pot cigarette, du coup. Et en attendant, Leïla, nous avons Mathilde. Mathilde. Ah bon, bah on attend aussi. Et en attendant, Mathilde, en attendant Leïla, nous avons Léa. Leïla est revenue. Alors Leïla est revenue, donc c'est Leïla qui passe. Ah ouais. Voilà. Donc Léa, en attendant Mathilde, en attendant Leïla, en attendant les. Ah non. C'est à moi ou c'est... Oui, c'est à toi. Ah, je crois que c'était Léa. Léa ou... Non, mais c'était Leïla, Mathilde, Léa, Leïla, Mathilde, Léa. On applaudit bien fort. Bonsoir. Normalement, c'est une chanson, mais bon, je vais vous la dire. Je ne vais pas vous la chanter. Est-ce que vous aimez bien les dimanches? Ça s'appelle C'est dimanche. Comme un dimanche. J'ai le cœur au bord des lèvres, c'est dimanche et j'en crève. J'ai le cœur au bord des lèvres, encore une semaine où l'on se démène. La mélancolie, je la traîne derrière moi toute la semaine. Je n'en peux plus, la coupe est pleine. C'est bientôt le week-end. J'ai le cœur au bord des lèvres, c'est dimanche. Des gens crèvent. Juste quelques jours de trêve, c'est trop court. Des gens crèvent. Pas de place pour les rêves. Les cœurs bleuis sur la grève. Alors que le jour s'achève, la guerre brandit son glaive. J'ai le cœur au bord des lèvres. C'est déjà dimanche, encore une manche. Devant l'écran, j'ai l'âme qui s'épanche, qui m'échappe, n'est plus étanche. Sous cette franche avalanche, je flanche. Alors allez, viens, on débranche. Je t'emmène, on se casse chez Morphée et amène. Car demain, j'ai la haine. On ne ménage pas sa peine, car on bosse pour le boss. Bravo. Merci beaucoup, Leïla. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de ne pas t'entendre chanter, et c'est très appréciable également. Merci. Du coup, on continue l'ordre établi. Mathilde. Donc, on applaudit bien fort Mathilde. Qui en âme de poétesse, rappeuse, fameuse. Poétesse ce soir. Bonjour tout le monde. Alors, j'ai ressorti un petit texte sur la musique pour faire honneur aux bagarres, ce dont il reste quelques membres ici. Alors, c'est parti, que je me retrouve dans mes feuilles. Ah, ça va. C'est juste mes feuilles. Voilà. Alors, pour entendre la musique, je veux dire l'entendre vraiment, il faut se placer avec les simples au bord du chemin, évacuer toute certitude, se sentir comme les herbes qui poussent et vibrent en toute saison dans la garrigue. Alors, un cri, une note, proche, lointaine à la fois, retentit. Une de celles qui vous le bouleverse, qui vous aide à chercher, jusqu'au vertige, la folie ordinaire. Être courageusement des esprits intrépides, et même si les ennuis foisonnent, et même si les idiots fredonnent, on vit tous la même histoire. Une série de mésaventures, avec toutes ces lignes de fuite, des voyages venus de nulle part. Le léger bruit du temps qui passe, qui se joue de la main tendue, de la main qui veut le tenir. Merci. Merci beaucoup, Mathilde, pour ce joli texte. Donc, il me semble que l'ordre établi invite notre chère animatrice, organisatrice, poétesse ce soir. Ouais. Poétesse, qu'on applaudit bien fort. Oh. J'espère que je ne vais pas me planter. J'ai pris un texte que j'ai écrit il y a quelques temps, que je crois que je n'ai jamais lu en public. Parce qu'à force de faire des scènes ouvertes, il y a des trucs où on se dit « Ah non, ça je l'ai déjà fait, ça je l'ai déjà lu. Tiens, j'ai pas le temps de venir aux ateliers d'écriture parce que le travail vous empêche de vous amuser. » Donc voilà. C'est quoi ? Le travail ? Ah oui, oui. Bah, moi j'ai quitté la team, hein. Tu sais, j'ai repris. Je suis repassée du côté obscur. Quand on n'a que l'amour à s'offrir à soi, le beau guérit, guérit le mal à la tête, au cœur, aux tripes. Empruntant ces mots à deux auteurs, quand on n'a que l'amour à s'offrir à soi, à devenir pour soi, à coller sur son regard, à ajouter en assaisonnement de tous ses plats. L'amour se cache dans les choses simples, sourire, en soi-même, pas d'un sourire de circonstance, mais de celui qui gonfle le cœur. Ce sourire d'enfant qui découvre le sentiment de joie des retrouvailles du parent à la sortie de l'école, le sourire d'un cadeau que l'on aimait souhaiter sans être sûr. L'amour de l'enfant, celui qui n'a pas encore été souillé, brouillé par la brume des soupirs épais. L'amour d'une mère. Le manque de pardon empêche l'amour. Et sans vérité, il n'y a pas de pardon. Sans pardon, il n'y a pas d'amour. Partage. Partage. Le cœur a ses raisons quand des raisons j'ignore. Parce qu'on oublie de s'écouter. D'un seul geste, on a coupé le lien entre le cœur et nos mains. Bon. Bon. Merci beaucoup, très cher. C'était très transportant. Et nous arrivons dans... La phase finale. La phase finale. Et l'avant-dernière personne qui va déclamer. Je crois que c'est sa première venue ici. Johan, on l'applaudit bien fort. C'est la première fois qu'il déclame. Bonsoir à tous, en effet, ravi d'être bonsoir, bienvenue. D'arriver parmi vous, de voir manger avec vous, partager quelques mots. Un son, clair et limpide, comme une lumière dans les ténèbres. Tout commença par un simple son, puis un éclat dans la pénombre. Deux yeux azur brillants qui me fixèrent. Et ensuite, un sourire et les reflets des néons dans sa crinière. Et sa peau, pâle, teintée par les lampes rougeâtres. Sa main atteint ma hanche et, s'approchant de moi, elle me susurra dans l'oreille. Viens. Entraîné sur la piste, je lâchai mon ami, une vieille bouteille de whisky. Et, sans parler, je lui répondis. Enflammés, nous épanchâmes notre joie, nos envies, nos désirs, et effaçâmes notre tristesse, notre rage, notre désespoir. Le lieu se vida de sa foule, et nous vidâmes nos verres, ne laissant que la nuit derrière nous. Et, collés l'un à l'autre, nous longeâmes les quais jusqu'à mon antre, repère caché dans une étroite ruelle. Elle commenta l'unique pièce, remplie de livres et de dessins, de papiers volants et de taches d'encre. Elle dit, c'est joli ici, très intime, nébuleux peut-être, avec tous ses ouvrages. Secrètement heureux de cette description, je débarrassai le lit des ouvrages et des carnets, quand elle m'arrêta. Pour la seconde fois, nos regards se croisèrent et se fixèrent, s'entremêlèrent. Était-ce l'effroi qui m'envahissait ? Nos lèvres se rencontrèrent, et la froideur du matin, encore sombre, disparut dans l'effervescence de nos ébats. Une main, un doigt, un mouvement, un souffle, un soupir, une goutte de sueur. Était-ce l'effroi qui m'envahissait ? Une langue, une dent, deux mains, deux jambes, un mouvement de corps qui se retourne. Et un sourire à faire pâlir un croque-mort. L'effroi ne m'envahit pas, mais ces deux longues canines pénétrèrent mon cou fébrile, et la douleur me terrassa. Les draps que nous malmenions depuis un moment se teintèrent de ce rouge, ce pourpre qui colorait ses joues glaciales. Et bientôt, mon corps se délesta de cette rigueur et de ces sensations que je cherchais à fuir. Avant que de fermer les yeux, à jamais, j'aperçus un éclat, le reflet du soleil levant dans ses yeux bleus. Et j'entendus un son clair et limpide, un doux murmure entre deux souffles. Chut, dors. Dans quelque chose de très profond, on est je vais te laisser annoncer la dernière personne qui va nous faire l'honneur de clôturer avant la pause. Donc pour clôturer cette première partie, donc après, nous ferons, comme j'ai dit, une petite pause de 20-30 minutes. Et donc n'hésitez pas, pour ceux qui ont un deuxième texte, à venir remettre, nous allons vider le chapeau, remettre des petits noms, voilà. Mais pour clôturer cette première partie, elle doit savoir que c'est elle, parce qu'elle est la seule à ne pas être passée. Je vois sa chevelure d'ici scintiller. Nathalie ! On applaudit bien fort Nathalie, le tocanel du ciel. Bonsoir tout le monde. Et puis, voilà. Je suis heureuse d'être avec vous dans les Vosges. Voilà. Donc c'est un premier texte finalement de présentation insolite. Voilà, dans le thème Mars. Comme tu veux, si t'as besoin ou pas, c'est comme tu veux. Voilà. Bonjour et bienvenue à vous. Débarquant d'Aldas, pays de la choucroute, on m'a proposé de devenir un livret vivant. Ici, dans les Vosges, afin d'enrichir la collection déjà existante. J'avoue qu'au début, j'ai refusé net, surprise, par le concept. Pourquoi au pays du pâté lorrain, j'irais me transformer en flamingue aussi fine qu'une feuille de papier? Pourtant, en pleine nuit, j'ai une révélation transmise par une cigogne, rejoignant le continent africain. Allier l'imprimerie de Gutenberg aux images d'Épinal, ou plutôt des imaginales. Véritable institution, devenue incontournable, ou non, dans cette jolie ville d'où je vous parle, en ce moment, Épinal. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie, pour cette ode à notre territoire, notre pâté lorrain cigogne. Eh bien, comme ma chère comparse vous l'a annoncé, c'est la pause. Donc, on se laisse 20 minutes plutôt pour vous désaltérer au bar, fumer des cigarettes, discutailler, copiner, faire pipi, caca, chercher votre téléphone. Voilà. Comme un printemps qui débarquait n'importe quand, comme une averse de pétales qui signe l'ouverture du bal. C'était comme un printemps quand tu venais de temps en temps. La maison s'allumait de ses lumières du mois de mai, quand le soleil vient réveiller nos jeunesses ensommeillées. C'était comme un printemps quand tu venais de temps en temps. On refleurissait nos années en des chemins désordonnés, où l'ivresse de l'imprudence portait comme une vague intense, et nos chants et nos danses. Le temps n'a pas enseveli dessous la cendre de l'oubli ces instants où l'éternité semblait marcher à nos côtés et nous glissait sous les paupières tout un océan de lumière. Il pleut encore des fleurs d'été ou de ces flocons argentés lorsque tu viens ouvrir le bal de nos aurores boréales et faire frissonner le son de l'insaisissable chanson. Alors dansent les farandoles de nos belles amours barcaroles, et dans l'orage où l'on s'oublie, jadis sur fond d'incendie, de ces mélodies inouïes. C'était comme un printemps qui débarquait n'importe quand, comme une averse de pétales qui signait l'ouverture du bal. C'était comme un printemps quand tu venais de temps en temps. Wow. Je savais plus que j'étais là. Merci beaucoup. Qui va avoir l'honneur de passer après cette excellente prestation? Je sais pas si je voulais vous lire en anglais. Une version anglaise, une version, enfin la traduction française. En anglais, c'est un peu compliqué pour moi. Donc, alors, je démarre avec tous ces mots. Tous ces mots monstrueux, abandonnés, dégringolants, fracas d'enfer, murs branlants, oubliés, tombant en ruine dans la nuit, amis sûrs, compagnons de la seule vraie croix, amants terrestres débâcle, douce tristesse noirceur, dans la rigole ruisselante tombant dans le feu, silence, cri. Un autre poème. Je suis tombée sur la terre et j'ai violé la neige. J'ai épousé la vie et respiré par la moelle de mes os. J'ai vu de jeunes danseurs. Je suis viande et j'ai besoin de fioul. Besoin du miroitement débauché des larmes chez les femmes de tous âges. Rire sandwich, fioul pour le dîner d'esprit viande. Alors, bon sang, dansez, dansez maintenant. Ou bien mourrez luisant et gras dans vos sièges puants, encore attachés pour le décollage. Mais à Troisième Rive, on n'a pas de sièges puants. On n'a que des beaux sièges avec des mosaïques, comme on dit, les patchwork. C'est trop chouette. Encore un petit dernier pour la route, plus positif. C'est vrai que c'est hallucinatoire, hein. C'est vraiment des images. Il s'exprime sur des images comme nous tous. Je suis venue à toi pour la paix. Je suis venue à toi pour l'or. Je suis venue à toi pour des mensonges. Et tu m'as donné la fièvre, la sagesse et des pleurs de douleur. Et nous serons ici demain, le jour suivant et demain. Et j'ai rajouté éternité, dead again, with or without you, always you et Jésus le Messie. Voilà. Merci Félicie. Je sais pas vous, mais moi je connaissais pas. Je sais qu'il a écrit des poèmes, hein, pas que les chansons des Doors. Je ne les connaissais pas, donc merci beaucoup. Alors j'avais un autre petit papier que j'avais tiré en attendant Félicie. Je l'ai toujours dans la poche. Ah ben non, c'est Félicie. Donc après cette poésie de Jim, nous allons entendre la poésie ou les blagues, les histoires. Drôle ou triste, je ne sais pas, c'est toujours la surprise d'Antoine. Repleurons ensemble. Merci. Je te vois pas, c'est bizarre. Je vois une lampe, mais tu es trop éclairé. Moi, j'adore les jeux de société. J'en ai déjà parlé ici, mais j'adore les jeux de société. J'ai acheté un meuble énorme pour pouvoir y mettre toute ma collection. Et j'ai compté aujourd'hui, j'en ai une trentaine. Et c'est rien comparé à mon pote Jérémy. Mon pote Jérémy, il a tellement de jeux chez lui que son appartement est sponsorisé par Ravensburger. Tellement il en a. Et il essaye de me faire jouer à des jeux, notamment les jeux de rôle. Je sais pas s'il y en a qui connaissent par ici. Ouais. En fait, il m'a vendu ça en me disant « Alors, avant de vraiment jouer, ce qu'il va falloir faire, c'est créer des personnages. Et généralement, voilà, ça dure 2-3 heures. » Oula. Moi, j'ai refusé gentiment. Alors, c'est pas contre lui, parce que je l'adore, mais j'ai déjà assez de monde dans ma tête, et je préfère limiter la place. Et dans ma ludothèque, donc dans mon meuble, j'ai pas mal de jeux rapides. Vous savez, les petits jeux assez rapides comme ça à faire. Mais c'est pas chez moi que vous trouverez le Uno. Hein. Non, parce que moi, je sais pas, j'aime bien les jeux avec des règles. C'est-à-dire que quand on démarre, on a déjà les règles tous ensemble. Parce que le Uno, voilà, c'est... on est tous d'accord que le Uno, c'est comme une boîte de médicaments. C'est-à-dire, tu prends la boîte, tu déballes tout ce qu'il y a dedans, tu vois un papier avec des indications dessus, et hop, tu mets à la poubelle. C'est le Uno, c'est comme ça. Puis de toute façon, voilà, chacun, il va de ses propres règles. Pourtant, le créateur du jeu, il est venu il y a 3-4 ans sur une vidéo, il a dit « Non, ça se joue comme ça, ça se joue comme ça », mais personne n'a adhéré. En fait, voilà, il a voulu créer un jeu, en fait, il a créé une armée de psychopathes. La preuve, c'est que le top commentaire, c'est « Oh putain, alors lui, si je le croise, il m'a plus de 4 points dans la gueule, il va voir, hein ». Et puis pareil, moi, les jeux de plateau, voilà, c'est pas mon fort. Moi, j'aimais bien quand j'étais petit tout ce qui était labyrinthe, le qui-est, le croque-carotte aussi, Raquel. C'était énorme. Mais avec les jeux qui sortent maintenant, je peux plus y jouer parce que mon appartement, il est trop petit. C'est-à-dire, il y a tellement de matériel. À chaque fois, je dois louer un plateau télé pour pouvoir jouer tellement il y a de matériel. Puis c'est pas des matériels simples comme, je sais pas, les pions, les plateaux, les trucs comme ça. Non, maintenant, il faut couper, il faut plier, il faut entasser, il faut faire des formes géométriques. Wow. Les gars, recentrez-vous. Vous faites pas vous faites des jeux pour des animateurs, pas pour des architectes. Enfin voilà, je trouve qu'il y a, je trouve que voilà, il faut rester raisonnable concernant le matériel. Pour preuve, il y en a. Il y a des pays où ils ont eu des cailloux pour jouer. Pourtant, ils s'amusent pendant des jours avec. Donc, je vois pas où est le problème. Pourquoi on pourrait pas faire ça ici? Je crois qu'au final, j'aime pas spécialement les jeux de société. Parce que j'aime ni les jeux de rôle, ni les jeux de plateau, ni les jeux où il peut y avoir des conflits. Je pense que la seule solution, c'est que je joue au solitaire. Sauf si les personnes qu'il y a dans ma tête, elles sont pas d'accord. Merci. Merci beaucoup. On va voir tous les jeux. Drôle, pas drôle. Très bien. Donc, continuons la liste pour cette deuxième partie de soirée très intimiste. Et la prochaine est Leïla. Leïla. C'est une chanson encore, mais je vais vous dire, parce que j'ai pas de musicien. Ça s'appelle Memento Mori. Le ciel est toujours vide au-dessus des nuages. Quel funeste présage, quel funeste présage. Le ciel est toujours vide au-dessus des nuages. Quel funeste présage, et j'ai la rage. C'est normal, étant donné mon grand âge, je ne suis plus à la page, je ne suis plus à la page. C'est normal, étant donné mon grand âge, je ne suis plus à la page, et j'ai la rage. Le sel a ravagé les traits de nos visages, et c'est un vrai carnage, et c'est un vrai carnage. Le sel a ravagé les traits de nos visages, et c'est un vrai carnage, et j'ai la rage. C'est normal. C'est la tragédie de nos vies, de nos vies. La tragicomédie qu'on oublie. Mortel, j'avais toujours pris ça pour un mirage. T'as la rage? Non. C'est pas grave. La vie est chronophage, la vie est chronophage. Mortel, j'avais toujours pris ça pour un mirage. La vie est chronophage et j'ai la rage. C'est normal, je vous le dis sans embâge, bientôt le grand voyage, bientôt le grand voyage. C'est normal, je vous le dis sans embâge, bientôt le grand voyage, et j'ai la rage. Ouais. Merci, c'est le thème du printemps des deux, là, des imaginales, de Memento Mori. C'est le thème des imaginales. Ah oui, il faudra qu'on organise quelque chose du coup pour les imaginales et que tu viennes nous la rechanter avec plaisir. D'ailleurs, c'est une chanson que tu chantes dans Ultraviolet ou... ouais. Et c'est quand le prochain concert? C'est à la Souris Verte le 21 juin. Peut-être devant, devant la Souris Verte le 21 et juin. Et au Xylolab au mois d'avril. Et au Xylolab au mois d'avril, le combien? Il y a des concerts au Xylolab. Tu ne sais pas. Il faut suivre Ultraviolet, hein, dans le duo dans lequel Leïla chante, c'est super, voilà. Et le 21 juin, la fête de la musique, donc devant la Souris Verte. Venez les écouter. Et aux Imaginales, ah, c'est très drôle. Aux Imaginales. Faut passer, quoi. Prendre un verre dans un bar en face et puis attendre. Tu viens chanter le Memento Mori. C'est le thème. Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a le nom d'une personne que je ne vois pas. Et elle n'est pas là, je sais qu'elle n'est pas là. Donc, soit il y a quelqu'un d'autre qui porte le même prénom que cette personne qui est déjà venue ici et qui n'est pas là ce soir, ou alors quelqu'un lit un de ses textes. Marie Pascal. Ah ben voilà. Le président est Marie Pascal. Marie Pascal, qui est pas communiste. qui provient d'Otto, ouais, et qui m'a envoyé un texte. Et Marie-Pascal, le texte sur la Lune que j'ai lu tout à l'heure, je lui ai dédié puisqu'elle a créé les Sélénites. Chaque pleine Lune, elle célèbre l'astre de la Lune et je m'efforce de chaque fois de vénérer cette Lune. Alors elle m'a envoyé ce texte que je vous fais partager. Message d'un oiseau de Vénus. Dans leurs tables anciennes, les humains m'ont désigné pour une grande responsabilité. Mes plumes sont attachées au calumet de la paix. Voici mon ancienne. La guerre prend dans mes ailes son épicentre. De mon bec voudrait ôter le plus grand des messages à délivrer. Pourtant, de ma blancheur ailée, j'embrasse le monde et dans mon bec, ce rameau d'olivier témoigne de la source féconde. Il en va ainsi depuis le déluge quand mon ancêtre revint de l'arche, vers l'arche. Ce récit m'est transmis par ma lignée, mais désormais, dans les rivières toutes polluées, je vois l'eau qui vient à manquer. J'ai traversé votre histoire depuis l'arrivée de votre espèce dans nos règnes. Avant vous, l'Éden, flore et faune et minéraux faisaient loi, cultivant très soigneusement l'arcane du vivant sur la terre. Mes congénères apprivoisés dans des volières, des colombiers furent mangés ou bien éduqués pour vos échanges épistolaires, pour vous relier, vous informer, pour vous satisfaire. Des premiers pas de l'Étolie jusqu'au village planétaire, via la révélation dans l'Antiquité, maintenant je suis le naufrage en Méditerranée. La soif, la faim, l'exil, la traversée difficile. Je sais l'espoir qui passe à travers le vitrail des flots qui séparent du rivage. Je sais la lumière de vos obscurités et vos obscurités. Je viens vous dire que j'ai l'âme qui saigne. Comme tous les oiseaux de la création, j'ai des trémolos dans la partition. Mon chant n'a rien d'extraordinaire, c'est un roulis tendre et rassurant comme la douceur, la quiétude du nid. Du nid. Et je m'associe à tous les autres dans les aubes et les crépuscules grandioses. Mais nos gardes quotidiennes pour la pastorale du grand passage basculent. Le cœur matinal et les jours qui piaillent, le soir orchestral, les joyeuses pagailles au temps de l'accordage, l'harmonie musicale et ce crescendo parfait jusqu'à son point d'orgue en des couleurs époustouflantes, vous le savez, sont diminuées. Je suis un petit paon, un pigeon blanc. J'entends de plus en plus précisément monter dans les heures dédiées des psaumes, des versets, des chapelets. La prière est efficace, il paraît. Prise en otage par des chefs militaires ou domestiqués pour des lâchers spectaculaires, conviés dans les instants sacrés comme un arbre planté pour l'espoir et pour la paix, ou dans les funérailles musulmanes, je suis la spiritualité. Vénéré jusqu'à faire de mon portrait l'icône, chef-d'œuvre artistique, je suis allégorie pour les poètes et les prophètes, promesse d'alliance et porte-bonheur pour les amoureux, car je suis fidèle à celui que j'aime. Et dans les forêts de vos songes, je suis la colombe, l'Esprit Saint, qui, de toute religion, que de toute religion qui s'oppose, confonde et plombe. Du Val d'Abondance au Val de Grâce, de l'Ukraine à Moscou, d'Israël à Gaza, je survole une Europe de guerre, une Palestine désorientée, des villes nucléaires comme Tchernobyl, des campagnes désincarnées, des labours de sang sur des terres volées. Mon plumage est si doux, ma robe est si blanche, que je suis reine tourterelle. Mes cousines, mes cousins sont enfermés depuis si longtemps qu'ils risquent leur vie pour le symbole, à s'envoler dans les mariages pour la beauté de nos bruissements d'ailes. C'est l'amour et la paix que je vous recoule depuis votre arrivée sur Terre, bête humanité. Souvenez-vous, dans l'Olympe, nous sommes les oiseaux de Vénus qui, par la main de Zeus, ont métamorphosé les Pléiades pour leur donner au ciel une place de rêve en constellation. Dans la littérature orale du temps du rêve, je connais déjà ce récit des sept sœurs. Depuis la Genèse, et dans le Coran, et dans la Bible, et dans la Torah, et de l'Orient dans la Veda, dans les trois corbeilles, et depuis les premiers conseils des sages des Amérindiens, je suis l'esprit de Dieu. Un entour agile de magie, je sors d'une boîte vide. Abracadabra. Marie-Pascal. Merci beaucoup. Ah, heureusement qu'elle nous a partagé ce texte à travers ta voix. L'interprète. Ouais, l'interprète. Un petit instant musical ou a cappella, je ne sais pas. Borgi, monsieur, s'il vous plaît. Corio. Non, c'est moi qui m'en dis. Un rayon de soleil, sa chaleur sur ton corps, des feuilles qui s'épanouissent, voilà le printemps. La nature si belle qui te réconforte, comme la sève dans l'arbre, tu as besoin de la nature dans tes veines. La vie est belle, avec le printemps, oublie ces mauvais moments. Bref et intense quand même. Merci Pivoirio. Alors. La prochaine va être contente de chanter avec un fond sur des enceintes. Bien, il y a du niveau dans cette deuxième partie, hein. On voit que les âmes se lâchent. et ça va continuer sur la lancée avec Aurélie, qu'on applaudit. Qui voit-on ? Quand on regarde les tableaux, il y a des fonds roses, il y a des ficelles, il y a des câbles, il y a Frida. Bétonnière, cailloux, racines, gratte-ciel, fleurs, tête de mort, fumée, cheminée, drapeau américain, s'il vous plaît, robe rose, que fait-elle là ? Statue, alternateur, fil électrique, danse, croix, bannière, hôpital. Elle est profonde. Un cœur de femme, peut-être plus qu'une fragilité, en rose, elle aime le rose. Parfois, elle aime le porter. Elle pense, elle a l'odeur des fleurs en terre qu'elle avait chez elle. Jardin d'une mère, jardin d'un père, jardin de mort, jardin d'espoir. Elle voit le béton, il manque cruellement, elle en meurt, et puis sentiment, apaisement, écartement, alcool, souvenir matinal, défonce, chant subtil, éclairement lactile, épée, épée au cœur, épée au ventre, épée pour l'autre, incomprise, coup de pétard, coup de fusil, démonter tout, se remonter, prendre un pinceau, vivre un matin, signé ici, je fus, lors de ma première représentation, c'était la mort, arrivée sur un lit, pesant, bercé, en hauteur, démuni, décharné, plus qu'une souffrance, moins qu'un cœur, plus qu'une âme, tout en vous, moi. Mais que fais-tu, amour qui m'a trahi ? Ici, il n'est pas question de mort. Nous ne fêtons aucun enterrement. Je suis là, moi. Et je pars avec vous. Frida Kahlo. Si, c'est de moi. Si, c'est un texte d'elle. Et je sais même quand est-ce qu'elle l'a écrit. Ah. Merci Aurélie. Ah, c'est super. C'était un atelier d'écriture, c'est ça ? C'était l'atelier à Otillo, non ? Oui, mais j'ai tout retravaillé. Oui, t'as retravaillé, ouais. Super. Voilà. Ah oui, c'est fort. Ah. Alors, je crois que nous allons avoir droit à un petit instrument. Un petit Non ? Oui. Pas ? Oui, il va faire autre chose ? Flow ! Flow, avec plein de W. Flow ! Ah bah non, c'est pas un petit instrument. J'avais vu la guimbarde, parce que Flo est un joueur de guimbarde. Waouh. Mais non, il a changé, voilà. Ok, super. Bon, dans la deuxième partie de soirée, alors je vais me faire un petit kiff. J'ai appris l'existence de cet instrument tout à l'heure. Je savais même pas que ça existait. Ça va aller ? Ouais. Ça glisse pas. Ah, si, on a droit à la guimbarde. Et je vais partir en impro, donc ça va être un conte gesticulé, improvisé. C'est l'histoire d'une goutte d'eau perdue au milieu de l'océan. Elle se trouvait bien similaire à toutes les autres gouttes d'eau au milieu de cet océan. Un jour, elle se dit « Et si je sortais de l'océan pour voir ce qu'il s'y passe ?» Et là, elle se mit à s'évaporer. Elle monta jusqu'au ciel. Elle se met là à ses autres comparses dans un nuage. Elle voulait tomber pour voir ce qu'il se passait en dessous. Mais elle n'était pas au fond. Il y avait d'autres gouttes qui tombaient. Elle commençait à s'ennuyer à force. Alors, elle décida de provoquer l'orage, la colère, pour pouvoir tomber et voyager comme les autres gouttes d'eau. Et elle provoqua l'inattendu. Le nuage péta et elle tomba entre les flots. Je vais relancer Isabelle Sartori pour faire une scène ouverte à Rue et Compagnie, juste pour revoir ça. Garde-nous ton petit set sous la main, là, ce serait top. Oui, parce qu'on va peut-être faire une scène ouverte à Rue et Compagnie. Voilà, faut qu'on relance peut-être un peu le schmilblick, mais voilà. Super, merci encore. On l'applaudit encore une fois. Est-elle là? Est-elle sortie faire une petite pause? Je crois qu'elle est dehors en train de faire une pause, donc on la garde pour plus tard. C'est H. Elle arrive? Ok. Bon, je la garde dans la poche. Bon, ben, je viens de tirer mon propre nom. Ça fait toujours un peu bizarre, mais donc voilà. Léa! Alors, je teste un truc, c'est pas vraiment un poème, c'est un, voilà, une inspiration. Je voulais lire un autre texte, mais je crois qu'il est dans ma voiture, et encore, je suis pas sûre, donc tant pis, voilà, je prends ça. Les vitraux, avec leurs petits carreaux, blancs, scintillants, me paraissent couler telle une petite rivière, un torrent de montagne. Dans une prairie dont l'eau claire, pure, est mise en brillance par les scintillements des rayons du soleil sur les vaguelettes écrapouties de ses reliefs. Oui, ces vitraux coulent et scintillent du haut vers le bas, déperlant d'un au-delà, du ciel vers nos pieds, notre tête, nos regards, et allume d'une brillance mouvante ce qui paraîtrait de prime abord inanimé. Coule, petite lumière, échappée du verre, j'entends ta mélodie de ruissellement sur mes yeux, mon regard, dans mon corps, ma tête, la fraîcheur de l'air ajoute au vivifiant de ta vue. Tu coules sur ma bouche, mon oreille se tend à peine. Ta mélodie est là, petite et douce, si présente en même temps que les visiteurs, que les murmures des visiteurs ne chassent pas, ni ta voix, ni l'image. Oh, petite rivière sur un mur qui coule jusqu'à moi, reflet d'argent, ouverture grise, offre au sein de ton église la foi en la vie. Par la purification des eaux, coule, coule, petite rivière, paroi translucide, offre à mon imaginaire un instant doux de beauté gracile. Voilà, merci beaucoup Léa pour ce voyage qui nous a fait voyager à travers les roues. Je ne sais pas quel point. Eh bien, la liste diminue de noms. Ah oui, il y avait H du coup qui passe. T'es prête ou tu H qui va passer. Ouais, ok. Ouais, on applaudit. Ouais, H. Ouais. Moi, j'ai trouvé que ta chanson a donné toute sa préciosité au silence entre chacune de tes petites notes. Voilà, c'était très très beau. Merci encore. C'est à moi. Ta version est très très bien. Tu devrais lui proposer. Deux lettres. Deux lettres. Est-elle prête? Je crois. Euros dans le chapeau. Quand on se dénigre, on n'a pas le droit de se dénigrer. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Sera-t-elle notre guide sur la place rouge, Nathalie? D'ailleurs, Hélène, qui est chanteuse dans le groupe Obsession, hein, avec un H au début, voilà. Suivez-les, ils font des trucs super, ils ont une super énergie sur scène. Suivez-les, achetez leur EP, venez les soutenir, leur dire que c'est trop bien ce qu'ils font parce que c'est la vérité. Voilà. Et maintenant, Nathalie. Deuxième session pour un slam. Donc pour ce mois de mars, regardez bien ma couleur qui vient d'ailleurs. Peut-être qu'elle vous gêne, plus d'oxygène. Que votre dieu Mars nous arrase avec ses bombes à neutrons qui pollue notre plancton. Quel manque de respect. Envoyez donc vos giboulées pendant ce mois de carême sur mes jolies planètes que j'aime. Les vôtres sont déjà si loin par manque de soins. Merci beaucoup. Attention, Phil. Nous arrivons au dernier bout de papier. Je crois qu'elle se reconnaît. Je sais pas pourquoi, mais je sentais que t'allais clôturer. Et je me suis posé la question, parce que c'est déjà arrivé une autre fois. Je me suis dit, tiens, si elle dit un texte ce soir, est-ce que ça va être elle qui va finir la soirée? Eh bien, un tonnerre d'applaudissements pour Sarah. Bonne clôturée, la soirée. High in the rose of a king to your gown, Jenny will dance with a ghost, the one she had lost and the one she had found, and the ones you love you the most, the one to be gone for so very long. She couldn't remember the name, the span on her hand or the dam to your gun, spun away on her soul and pain, and she never wanted to leave, never wanted to leave, never wanted to leave, never want to they dance through the day and into the night. From winter to summer and winter again, till the walls still crumble and fall. And she never wanted to leave, never wanted to leave, never wanted to leave, never want to leave. High in the rose of a king to your gown, Jenny will dance with a ghost, the one she lost and the one she found, and the ones you love you the most. Tu vois, t'as pas besoin d'accompagnement. Ben, franchement, c'était vraiment une super belle deuxième partie. Alors, moi, je vous donne mon ressenti. J'ai toujours l'impression qu'il y a deux scènes ouvertes. Dans les scènes ouvertes, il y a la première partie, la deuxième partie. C'est deux ambiances complètement différentes et j'adore. Un applaudissement aux femmes. Bravo. On a justement une petite proposition. Alors, merci Sarah pour cette belle clôture tout en douceur. Merci à tous, c'était superbe. Comme à chaque fois, c'est toujours très différent chaque fois, mais toujours très beau. Beaucoup de chanteuses. Ouais, c'était, j'y ai pensé aussi, je me dis oui, beaucoup de chanteuses. On a une petite proposition. Aurélie nous propose de tous venir là au milieu et de se faire un petit moment chant tous ensemble. Un petit truc, je ne sais pas trop ce qu'elle va nous faire faire. Un petit truc un peu indie, un peu voilà. On n'a pas besoin de savoir bien chanter, mais voilà, se faire un petit moment convivial tous ensemble. Vous voulez bien vous lever, venir tous un peu vers le milieu? Merci. On va enlever toutes les balles hein, pour pas qu'on trébuche. C'est des balles qui ne tuent pas, c'est des balles pour toutes les barrières. Jouer, voilà. Pourquoi faire on balance hein? Il y a des dernier nom, tout le monde. C'est vrai? Elles sont lourdes. Elles sont lourdes. Léa, elles sont lourdes, les balles. venir devant, allez. Voilà. Alors, je vais juste être simple. On va finir avec un petit chant indie, quelque chose de très calme. On va faire des petits... Alors, je vais faire comme ça, on commence en grave. Une fois que j'arrête là, les graves s'arrêtent, les aigus reprennent. Et moi, je vais faire un petit truc par-dessus. Et puis ensuite, le petit son. Et puis, je ferai des petits signes, on monte un petit peu. Ça marche. Ok. On fait un petit grave par ici. Bien sûr, on peut respirer. Hein. Un peu plus aigu par là. Atelier d'écriture. Prochain. Une minute. Ah oui, ben sinon tu perds les gens après. Ouais, ben ils s'en vont. Atelier d'écriture, jeudi soir, Constellation justement. Ici, avec Nathalie et moi. Jeudi soir. Avec Nathalie et moi-même sur Constellation. Samedi, sur la grâce, au Thio avec Maggie Young et Maggie Thio. La médiathèque à 14h, ici c'est à 19h30, hein, jeudi. Atelier d'écriture encore, dimanche. Alors je le précise parce que là, j'achète un quart, je m'endors pas au volant. Un quart de 9 places. Et si vous voulez aller à Zraï, dans notre Moselle, c'est d'excellents ateliers. Mais je prends des gens, tout le monde a écrit là, depuis les Hautes-Vosges. Il faut me le dire tout de suite. Voilà, vous me dites à l'instant. Et atelier ensuite, donc c'est un rail Meurthe-et-Moselle. Excellent atelier aussi. Je répète, samedi à Audio. Et le samedi d'après, le 16 mars, à Grande-Sauvère, un atelier le matin à la bibliothèque de Cézanne, à 9h, sur la Grasse, à Épinal. Et l'après-midi à la BMI, avec le poète Richard Rognier, bien connu. Voilà. Et sinon, si c'est bien enregistré, ceci passerait sur les ondes de Radio Guémozo, RGM, 107 MHz pour ceux qui sont dans la zone d'écoute, et pour les autres, stream.radioguémozo.eu. Mais si vous êtes sur le WhatsApp de nous, quoi, notre WhatsApp, vous pourrez le récupérer. WhatsApp.radioguémozo.eu/live. Voilà. Et c'est à 20h, 21h, vendredi. Normalement, si c'est bien enregistré. Voilà. Bonsoir. Et en tout cas, merci. Merci Léa, merci Florian qui ont animé cette soirée. Et puis c'était vraiment. On vole. Hein. Merci Léa. On y va, hein. Merci Aurélie pour le final. Merci pour tout. Et ces belles voix. Allez, vas-y. Donc c'est ce jeudi, c'est ça Vincent ? Oui, ce jeudi. Ce jeudi, donc dans 4 jours. Donc ce jeudi là qui vient, donc dans la salle à côté, l'atelier d'écriture, t'as dit c'est sur quoi ? Sur les constellations ? C'est ça, donc ça s'appelle constellation. En fait, c'est à partir de constellations de mots. C'est les mots qui engendrent des constellations d'images, de mots, voilà, à l'infini, sur feuille à 3, etc. Ok, cool. Et merci à tous. Merci. Merci Léa d'avoir animé. C'était donc la scène ouverte du 4 mars. Une scène ouverte remarquable, comme toutes les scènes ouvertes, mais celle-ci l'était encore plus. Enfin, encore plus. Tout autant et tout au plus. Voilà. La prochaine, je ne sais pas quand elle aura lieu, mais ce sera avril. Il est même question qu'on fasse une scène ouverte lors des jeux théâtre et compagnie. Rue et compagnie, pardon. Voilà, ça dessine. Puis ailleurs, peut-être aussi. En tout cas, tous les mois. Et puis, en attendant, il y a les ateliers d'écriture. Les ateliers d'écriture, Jeu de plume, c'était hier. Donc, pour cette fois-ci, il y en aura un autre jeudi prochain. Je ne sais pas qui l'animera. Moi-même, je ne serai pas là. Je ferai des mauvais calculs ou des bons calculs. Je ne sais pas. C'est comment on verra. Et puis, il y aura samedi un atelier d'écriture à Otio. Donc, demain, par rapport à la diffusion, Otio. À la médiathèque, à 14h, de 14h à 17h, Maggie donc, nous fait un atelier sur la grâce, qui est le thème du printemps des poètes, faut pas oublier. Et un beau thème, hein, si seulement, hein, la grâce. Et le lendemain, à Azraï, les animatrices Françoise et Odile nous offrent de plancher sur ombre, lumière, poussière, etc. C'est toujours très, très profond. C'est des ateliers qui durent presque toute la journée avec repas au milieu, hein, et on se plonge vraiment dans la création. Donc on ira, et j'en profite pour dire que s'il y en a qui m'entendent, je passe à Remiremont, je passe à Épinal, et je peux emmener du monde, parce que c'est Azraï, c'est un petit peu l'autre bout. Après, des fois, on finit d'ailleurs à Fontenoy-la-Joute, le village du livre, pour aller faire un tour chez les bouquinistes. Le soir, voilà, quand on a fini. Et en tout cas, voilà, je vous le conseille. Je peux toujours amener du monde. Bon, faut me laisser un message sur WhatsApp, par exemple. Voilà. Bon. Et puis, le samedi d'après, c'est le printemps des poètes, aussi. Et là, il sera célébré par la langue de travers à Épinal, avec le matin un atelier à la bibliothèque diocésaine. Voilà, c'est un lieu sympa, on y a été une fois ou deux, c'est très accueillant. Et l'après-midi, à la BMI, avec notamment la présence du poète Richard Rognier. Donc voilà, des dates à retenir. Et un peu plus tard, le week-end d'après, c'est le livre vivant, avec des gens que vous rencontrerez. Par exemple, Christophe, que vous n'avez pas entendu à la scène ouverte, mais qui mérite d'être entendu. Et puis, moi-même, par exemple, chacun raconte un peu sa vie devant un interlocuteur, devant deux ou trois personnes. Et enfin, on essaie de... C'est intéressant, je trouve. On est sorti des rayons comme des livres que des gens feuillettent. Enfin, pas trop, hein. Mais nous, on se laisse aller à nos axes de vie. Voilà. On parcourt un peu nos vies. C'est aussi une idée pour plonger dans l'introspection de sa propre vie et la trace qu'on peut y voir. Voilà. Lumière, lucidité, c'est plaisant. Voilà, et bien bonne nuit, et à bientôt.